Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de golf. Demain, on va faire le bilan du club de golf de Saint-Prime avec Marcel Bouchard, mais il y a une nouvelle qui m'a complètement échappé. C'est sûr qu'en politique et faire du sport, on échappe un peu, mais quelle belle nouvelle. Pierre-Alexandre Bédard de Chicoutimi a réussi un tour de force à remporter le championnat de la PGA. Donc, il devient par le fait même champion de la PGA. Pour en savoir davantage, on le rejoint à Chicoutimi, également faire le bilan. Salut Pierre-Alexandre. Salut Denis. Pierre-Alexandre, parle-moi de cette belle victoire-là. Est-ce que tu t'attendais vraiment à gagner ce championnat? Écoute, dans l'ensemble, c'était le championnat de la CPGA du Canada pour la zone du Québec. Donc, okay. Ça regroupait des golfeurs du Québec. On n'était pas un gros contingent de joueurs, mais par contre, la crème du Québec était toute là. Moi, j'ai connu un tournoi de rêve, en fait, en inscrivant une première ronde de moins 9, okay. Qui était 63 pour ma meilleure ronde à vie, en fait. Fait que j'étais vraiment, vraiment très, très fier de ça. J'ai même réussi un albatros que je n'avais jamais fait auparavant. Okay, deux coups sur un par 5. OK. Donc, c'est sûr que je m'attendais pas. Je savais que j'avais confiance en moi, puis je savais que j'allais avoir mes chances garanties. Mais le lendemain, la deuxième ronde, je devais affronter Dave Lévesque, qui avait joué aussi une bonne première ronde. Puis on a eu une chaude lutte tout au long de la partie. Il tenait tête, puis ça a été une victoire que je vais me rappeler, c'est sûr, une deuxième victoire cette année en plus. Ben oui. Puis contre d'avoir battu Dave Lévesque un contre un ensemble, ça a été, je vais m'en rappeler, c'est sûr. Dave Lévesque, Hugo Bernard, c'est pas mal les golfeurs qu'on entend parler au Québec actuellement. Là. Puis là, ben, tu arrives là-dedans. Là, ça te donne, tu l'as dit, c'est un championnat canadien PGA pour le circuit du Québécois. Là, ça va-tu avoir un gros tournoi représentant les 12 provinces? Non, c'est vraiment un tournoi réservé au Québec qui ne connaît pas. En fait, ça m'a quand même donné une exemption, c'est de participer en 2018, l'année prochaine, au championnat de la PGA du Canada. Qui là va regrouper les 60 meilleurs golfeurs du Canada. Okay. Puis c'est une formule de 36 trous stroppés plus match play jusqu'à la fin du tournoi. Donc des parties 1 contre 1 là, jusqu'à la fin. Avec une belle bourse à l'enjeu, c'est sûr. Donc le plus gros tournoi au Canada. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, là, je vais être présent à cet événement-là. OK. Puis Alexandre, est-ce que c'est un circuit un terrain qui te favorisait ce championnat-là? Écoute, en dehors de mon club de golf de Chicoutimi puis de Cabot, c'est de loin le terrain que j'ai joué le plus souvent dans ma carrière. OK. J'ai fait plusieurs camps d'entraînement quand j'étais jeune à Beaumont, puis c'est un parcours que je connaissais par cœur. Fait que c'est sûr que c'était bon pour moi. C'est un terrain qui était quand même assez large, qui me permettait de driver. Là, mon driver était super bon, qui allait super loin. Donc, ça a été un combo parfait, en fait. OK. Donc, évidemment, c'est un avantage là-dedans. C'était sur la première année du Pro Tour. Comment tu as trouvé ton année? Est-ce que c'est une année vraiment satisfaisante? Deux victoires au début de la saison. Est-ce que tu t'attendais à ça? D'avoir deux victoires? Sûrement pas le championnat PGA. Là. Écoute, j'avais pris la décision, souvent on s'est parlé de ne pas aller jouer sur le Mackenzie Tour parce que je voulais apprendre à gagner avant de changer de circuit. C'est ce que j'ai fait cette année. Fait que Ça, c'est sûr que c'est l'objectif réussi. L'objectif numéro un, à la base, en jouant sur le Pro Tour cet été, c'est de gagner. J'ai eu 2 victoires, donc je peux pas... C'est parfait, en fait. C'est ce que je voulais vivre. Donc, pour ça, je suis vraiment content. J'ai connu, en dehors de mes 2 victoires, je pense que mon gros tournoi de la saison, ça a été la Coupe Canada. Okay. La Coupe Canada qui était devenue cette année un tournoi international qui regroupait là, quelques joueurs européens et plusieurs joueurs des frontières américaines qui étaient venus jouer ce tournoi-là avec une bourse à l'enjeu de 30 000 $. J'avais joué moins 17, j'ai terminé 3e. Donc ça a été vraiment j'ai 2 victoires, ça a été des sentiments incroyables, mais mon coup de cœur est quand même ma 3e position là, à la Coupe Canada. Puis ça m'a permis, ça a été le plus gros calibre de jeu que j'ai joué presque cet été à part du Mackenzie Tour à Montréal. Donc en fait, c'est une saison pas en delà de mes attentes, c'est garanti. Puis là en ce moment, je vais viser encore plus haut l'année prochaine, puis de je ne m'améliorerai encore. Ben, c'est sûr que là, tu connais un petit peu le parcours. Tu connais tous les parcours à cette heure maintenant. Donc, ça t'aide aussi, là, quelque part. Là. C'est garanti. Mais l'objectif, l'année prochaine, là, je vais peut-être d'aller jouer sur le gros circuit canadien où ce que peu de joueurs canadiens. Cette année, on parlait d'une 15aine de Canadiens qui avaient la chance de jouer sur ce circuit-là. Beaucoup d'Américains. Donc c'est vraiment l'objectif qui amène des joueurs au web.com. Un circuit que tous les golfeurs qui veulent se rendre sur la PGA doivent passer. C'est le chemin à prendre en fait là, si on veut aller le loin possible. OK, OK. Penses-tu que tu as des bonnes chances de bien performer dans ce circuit-là? C'est sûr. Auparavant, il y a eu quelques Québécois, dont Max Gilbert, là, un golfeur avec qui j'ai eu la chance de rester en Floride l'hiver passé. C'est un gars qui a très bien performé sur ce circuit-là. Puis moi, je trouve que je me sentais bien à jouer contre. Je me sentais pas moins bon niveau de golf que Max. Donc, écoute, c'est sûr que je me sens confiant. Il faut dans un sport où on se doit d'être confiant parce que c'est quoi de très, très, très important. Fait que c'est sûr que je me vois de connaître une bonne saison l'année prochaine. J'ai connu un petit peu par le Mackenzie cette année à Montréal, un petit peu l'expérience. Donc l'année prochaine, je vais savoir à quoi m'attendre. Je vais être un petit peu moins stressé, je vais mieux gérer le tout. Puis non, l'objectif sur le Mackenzie Tour est de faire un top 20 pour avoir la chance d'avoir sa carte l'année d'après du web.com. Okay. Donc l'année prochaine, c'est sûr que ça va être l'objectif. Là, tu parles de la Floride. Est-ce que tu y vas cette année? Oui, je m'en vais en Floride début novembre. Début novembre, OK. Pendant début novembre, le 1er novembre, je vais prendre la route pour la Floride. C'est plutôt que les autres années, hein? Un petit peu. L'année passée, j'avais pris un petit break avant les fêtes, puis ça m'avait hypothéqué pour un petit peu trop longtemps, j'avais trouvé après les fêtes. Ça avait été un petit peu dur de retrouver la game. Donc là, rendu au level que je suis, je veux garder la game shape que j'ai en ce moment. Puis j'ai l'intention de jouer un petit peu plus de tournois qu'auparavant en Floride cet hiver. OK. Par contre, je vais revenir pour les fêtes voir la famille cette année. Puis je vais retourner là, quand même assez de bonheur là, en janvier pour passer un bon gros 4 mois là, pour me préparer pour les qualifications du Mackenzie. Puis encore une fois, jouer un paquet de tournois. Là. Ben, bravo. Pierre-Alexandre, félicitations encore une fois. On va le plaisir de te reparler pour ton départ pour la Floride quand tu seras là-bas. On va te suivre également cet automne et cet hiver. Excellent, un gros merci, Danny. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui faisait un peu le bilan de la première année sur le circuit Mackenzie Tour.